descend aujourd'hui au fin fond de l'enfer, au chant 32 à 34 de la première partie de la Divine Comédie de Dante. Au programme, pire que le feu, la glace vous étreindra le corps. Lucifer en personne, avec ses trois gueules, surgira devant vous. Et il n'est pas exclu qu'on vous propose un casque de réalité virtuelle afin de vivre une vraie Near Dante Experience. En route vers le 9e cercle de l'enfer et le lac gelé du Cocytes. Winter is coming. Might just be the cold. Cinquième étage. Braqueur de métro, clodos agressif et critique littéraire. Sixième étage. Extrémiste de droite, serial killer, avocat médiatique. Septième étage. Les médias. Désolé, cet étage est complet. Huitième étage. Criminel de guerre évadé, télé-évangéliste et flingophile. Niveau inférieur. Tout le monde descend. Bonjour Didier Ottaviani. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférences à l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste de pensée médiévale, plus particulièrement de Dante. Vous êtes aussi secrétaire de la Société dantesque de France. Et le voyage que l'on s'apprête à faire, vous l'avez déjà fait de nombreuses fois. Est-ce qu'on peut être là de l'enfer, L-A-S ? C'est toujours intéressant de faire une lecture de l'enfer, c'est-à-dire que chaque retour permet de voir quelque chose de nouveau, permet de voir un détail qu'on n'avait pas forcément exploité. Donc il y a toujours un réel plaisir à reprendre ce cheminement infernal aux côtés de Dante. Et vous craignez plus les flammes ou la glace ? Visiblement la glace, puisque c'est l'ultime malédiction, c'est ce qui est finalement le plus dangereux, même si ça peut paraître un petit peu étonnant dans une économie, disons, symbolique qui généralement donne à l'enfer un côté enflammé, c'est ça qui serait le suprême châtiment. Mais pas chez Dante, c'est le gel qui est le suprême châtiment. Et alors comment est-ce qu'on passe de la flamme à la glace ? Alors, on peut se demander pourquoi on passe à la glace. Alors, il y a plein d'explications, évidemment, qui ont été avancées pour essayer d'expliquer pourquoi il peut y avoir cette spécificité chez Dante. Alors, on peut trouver beaucoup de sources. Déjà, au début du XXe siècle, Miguel Acín Palacios avait noté la proximité de Dante avec l'eschatologie musulmane et le fait que on trouve notamment l'idée que l'enfer est un lieu, dans l'islam, soit de feu intense, soit de froid très intense. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui, chez Dante lui-même, peuvent permettre de comprendre ce passage, notamment le fait que l'extinction de l'amour, c'est le froid. C'est ce qu'on trouve dans les rimes, les rimes qu'on appelle pétroses, qui sont, disons, dédiées à une certaine pietra, enfin Petra, qui est froide et qui donc ne répond pas à l'amour du poète, qui se sent finalement congelé par ce manque d'amour. Et donc le froid, c'est la perte de l'amour. Et évidemment, là où il y a le moins d'amour, c'est quand même l'enfer. Mmh. Et ça récupère toute une idée aussi que l'on a dans la médecine. Dante connaît très bien la médecine de son temps. Et c'est l'idée que la stérilité vienne d'une froideur de la semence. Donc elle empêche la vie, elle empêche la dynamique, elle empêche toute une série de manifestations qui sont celles qu'on trouvera dans le mouvement, par exemple, paradisiaque. Et donc finalement, cette glace se justifie peut-être plus que le feu, qui est encore peut-être trop dynamique pour les supplices infernaux. C'est ça, il y a l'idée, la glace amène une forme d'immobilité qui est l'idée que Dante se fait de l'enfer, c'est quand plus rien ne bouge. Mais en fait c'est ça, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que Satan est particulièrement peu actif. C'est-à-dire qu'il est comparé à un grand moulin, il fait pas grand chose, on peut lui grimper dessus. Enfin bon, on sait même pas s'il est vivant, en fait. On dirait une machine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus on se rapproche du centre de ce cône, plus ça se ralentit. Ce qui serait assez logique aussi parce que à l'époque on a beaucoup d'échelles d'échelles ontologiques, d'échelles qui mettent en échelle les choses. C'est-à-dire que on a l'obscurité et la lumière, donc on a une échelle de lumière, dont le paradis évidemment est plus lumineux, et on a une échelle du mouvement qui est parallèle. C'est-à-dire que l'arrêt est tout en bas et le mouvement ultime au paradis, par exemple, il y a des rondes paradisiaques, il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Et en enfer, c'est l'arrêt du mouvement qui caractérise ce lieu. Alors on va commencer le voyage avec le chant 32. Peut-être un mot, Didier Ottaviani, sur ce qui conduit du chant 26 dont on parlait hier avec le personnage d'Ulysse au chant 32, parce qu'il y a tout un passage qui a été fait. Là on arrive au 9e cercle. Comment est-ce que Dante et Virgile sont arrivés au 9e cercle? Alors c'est toujours un petit peu compliqué de descendre. Là ils vont avoir un géant qui les dépose. Donc c'est Dante qui va les déposer en bas, parce que les passages, les cercles sont très fermés. Ouais. Et donc il y a toujours une difficulté du passage sur laquelle Dante insiste en permanence. Donc il y a plein de passeurs plus ou moins, disons, mythologiques. Et donc là, ce sont des géants qui vont assurer la descente. Alors écoutez les premiers vers de ce chant 32, écoutez notamment le rapport à l'écriture, car Dante, enfin, le narrateur raconte son voyage, mais le récit du voyage ne se fait pas sans une référence permanente à la difficulté d'écrire ce qu'il est en train de voir. Si j'avais les rimes âpres et rauques, comme il conviendrait à ce lugubre trou sur lequel s'appuient tous les autres rocs, j'exprimerai le suc de ma pensée plus pleinement, mais je ne les ai point. Et, non sans frayeur, je m'apprête à parler. Car ce n'est pas affaire à prendre à la légère que de décrire le fond de l'univers entier, ni celle d'une langue disant « papa-maman ». Quand nous fûmes en bas, dans le puits obscur, beaucoup plus bas que les pieds du géant, et que je regardais encore vers la falaise, une voix me dit « Prends garde quand tu passes. Va, si tu peux, sans fouler sous tes pieds les têtes de tes frères humains qui souffrent. » Je me tournai alors, et je vis devant moi, et sous mes pieds, un lac à qui le gel donnait l'aspect du verre et non de l'eau. Jamais en hiver, le Danube autrichien, ni le Tanaïs, là-bas sous un ciel glacé, ne couvrirent leur cours d'un voile aussi épais qu'il était ici. Et si le Tambernique ou la Pietra Piana était tombé dessus, même sur le bord, il n'aurait pas fait crac. Et comme la grenouille se tient pour coasser, le museau hors de l'eau, alors que souvent la paysanne rêve qu'elle s'en va glaner, livide jusqu'au point où la honte se voit, les ombres dolentes étaient dans la glace, claquant des dents comme font les cigognes. En entendant le texte lu par Bernard Gabay, on entend tout de suite la manière qu'a Dante de choisir des images qui sont le plus visuelles et le plus auditives possible. Et peut-être si on s'arrête sur un mot d'Didier Ottaviani qui peut être un point de départ pour parler d'utilisation du langage par Dante, il parle de ce lac et à la fin il le compare à d'autres lacs et il dit même sur le bord, il n'aurait pas fait crac. C'est une onomatopée qui vient s'immiscer dans la langue poétique. Oui, alors c'est en italien c'est cric. Donc le but c'est d'essayer de rendre par le discours quelque chose qui va permettre de restituer à l'oreille le craquement de la glace sur laquelle on marche, qui évidemment qui est un mot qui n'existe pas, qui est une onomatopée inventée pour réussir à répondre un petit peu à son problème qu'il énonce au tout début du chant, comme ça a été mentionné dans la lecture, c'est-à-dire qu'il faut des rimes âpres et rauques. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des mots qui vont restituer la dureté du lieu, quelque chose qui soit violent. Mmh. Et ça récupère un petit peu toutes les analyses qu'il avait faites dans son traité sur l'éloquence en langue vulgaire, dans lequel il faisait une distinction au sein des mots à partir d'une métaphore capillaire. Il écrit « Il y a des vocables qui nous apparaissent puérils, d'autres féminins, d'autres virils, et parmi ces derniers, certains sont ruraux et d'autres urbains. Et parmi ceux que nous nommons urbains, il y a ceux qui sont bien peignés et lisses, d'autres qui sont rêches et hirsutes. » J'aime beaucoup cette métaphore. C'est génial, les mots hirsutes. Les mots hirsutes. Et donc, il faut des mots hirsutes et qui sont rêches, c'est-à-dire qui vont être difficiles à prononcer, qui vont être, qui vont accrocher l'oreille pour marquer la violence. Les mots bien peignés, eux, sont trop lisses, justement, pour décrire ce lieu. Et donc, ces mots hirsutes, on peut imaginer que crack, par exemple, ouais, va faire partie de ces mots. Et d'ailleurs, on retrouve la métaphore un peu plus loin, parce qu'il rencontre Bocca degli Abati, Bocca qui veut dire bouche en italien. Et il y a tout, il le prend par les cheveux, il lui arrache les cheveux. Enfin, les poils même aussi. Voilà, c'est, ouais, il y a toute une, là encore, cette histoire du poil dans une scène qui est très violente, parce que ouais, Dante s'énerve beaucoup contre ce traître. Et donc, cette métaphore capillaire, pour lui, est ce qui va permettre de restituer, là encore, on a des images qui sont aussi assez fortes pour faire voir un petit peu ce que c'est que ces mots bien peignés qui sont qui permettent de la fluidité du langage, alors que les ces mots comme le crack qui intervient ici, mmh, vont être destinés à montrer la difficulté. Donc tout l'enjeu de l'écriture de l'enfer va être justement de trouver des mots qui sonnent de manière violente. Oui, et qui ne ressemble pas à ce qu'il appelle la langue papa-maman. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, il ne faut pas une langue infantile. Il faut une langue qui puisse donner la pleine mesure de l'horreur du lieu. Ce qui est effectivement quelque chose de très difficile. De toute manière, toute la Divine Comédie est articulée autour de l'idée que le dire est difficile, que pour décrire une réalité qui est au-delà de tout ce que l'on peut connaître dans l'expérience. Dante reste foncièrement finalement sur une logique aristotélicienne. La science débute par la sensation. Et donc on connaît à partir de ce que l'on a ressenti, et là on découvre un monde que l'on n'a jamais ressenti, parce qu'on ne peut pas imaginer, et où il est très difficile d'imaginer, ce qui se produit dans ces lieux, et il est difficile de le décrire, et donc la langue, en réalité, est une langue qui a été forgée sur Terre, mais comment décrire cette réalité extraterrestre, même si elle est infraterrestre, avec les mots d'une langue qui est celle du quotidien. Et pourquoi se lance-t-il ce défi ? Alors, c'est toute la question, finalement. Je ne sais pas s'il y a une réponse. C'est quelque chose qui est déjà initié au tout début de sa première œuvre, à la fin de la Vita Nova, où il dit que il doit encore travailler parce qu'il faut trouver un moyen de chanter correctement Béatrice. Donc, la Vita Nova, donc, c'est les textes, enfin, les poèmes d'amour adressés à Béatrice. Voilà, c'est le livre de la mémoire, comme il l'appelle, qui est une de ses premières œuvres, dans lesquelles il va présenter cet amour, évidemment, qui est devenu extrêmement célèbre, et qui pour lui est le début de sa poésie, et il considère qu'il n'est pas encore un poète assez achevé. Et finalement, le grand œuvre sera quelque chose qui est destiné à la fois à présenter une thématique qui soit véritablement métaphysique, mm-hmm, qui soit en même temps une glorification de la dame, la manière la plus haute que l'on puisse la chanter, mais qui aussi est une véritable quête de la langue, parce que c'est ça qui est l'enjeu de l'écriture. On a une écriture très différente dans l'écriture des trois royaumes et de l'enfer, du purgatoire et du paradis est assez différente, puisqu'il va inventer beaucoup de mots, et en enfer, tout l'enjeu est d'avoir une écriture justement rêche. On va avoir beaucoup de sonorités latines, beaucoup de sonorités grecques, on va avoir des expressions qui ne veulent rien dire, comme Papé Satan à l'épée, qui a beaucoup interrogé les commentateurs, puisque ça ne veut rien dire. Quelle est la phrase ? Papé Satan à l'épée, qui est une phrase qui ne veut rien dire, mais qui voilà, est une manifestation de tous ces troubles du langage. Ouais. Et le fait que l'italien de l'enfer est un italien avec beaucoup de sonorités étrangères, donc grec, latine, etc. Donc ce qui lui donne un côté plus disharmonique, bien qu'il soit très harmonique, bien évidemment, mais qui lui donne un côté en italien assez étrange et assez rêche. Justement. Je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il s'est lancé ce défi, parce que c'est il y a deux approches possibles. Est-ce que c'est un défi, disons, littéraire, où effectivement, comme Dante accorde énormément d'importance à l'écriture, au choix des mots, qu'il a écrit hein, de l'élégance en langue vulgaire, dont j'ai lu un extrait, il est extrêmement préoccupé par ce choix des mots, et donc est-ce que c'est une manière de se dire, mais jusqu'où la littérature peut-elle aller? Est-ce qu'elle peut nommer l'innommable? Ou bien est-ce vraiment un effort de transposition de quelque chose qu'il ressent, cet enfer, ce purgatoire, ce paradis, quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui et qu'il essaye de traduire pour que d'autres lecteurs puissent y avoir accès? Alors, il y a les deux finalement, et il y a surtout le fait que l'ensemble de la Divine Comédie, c'est une écriture de soi. C'est-à-dire que c'est une quête de l'individu qui doit passer, qui doit affronter déjà sa part obscure, qui doit affronter cette espèce de double symbolique de Dante qui va passer par le négatif, qui reconnaît, puisque la voie droite était perdue, c'était le début de l'enfer, et qui doit descendre dans sa plus profonde noirceur. Et on se rend compte que Dante partage beaucoup d'éléments avec les damnés qu'il va rencontrer. Qui ont des fautes dont finalement il n'est peut-être pas coupable lui, mais il a beaucoup d'actions qui étaient des actions qui pourraient ressembler à des fautes, que ce soit en enfer, au purgatoire. Et donc il y a vraiment une écriture de soi, une quête de soi, et une tentative finalement de montrer comment on peut descendre au plus profond de sa noirceur et remonter ensuite et ressurgir. Parce que c'est un voyage à l'intérieur de soi, mais qui passe par des images extrêmement fortes qui, pour le coup, ne peuvent pas ne pas avoir pour but de frapper l'imagination de quiconque va lire ce texte-là. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que le lecteur soit véritablement happé, il faut vraiment qu'il puisse y avoir une identification à ce mouvement et cette descente. Et donc, il faut des images qui puissent automatiquement nous faire adhérer, nous faire comprendre et nous faire rentrer dans ce qui est une structure romanesque finalement, puisque c'est une aventure, c'est un grand poème d'aventure aussi, la Divine Comédie. Il y a eu une sorte de prolifération imaginaire, c'est-à-dire que Dante a, je crois, une telle capacité visuelle dans sa façon de capter les spectacles infernaux que les peintres ont toujours été passionnés par cela. Et même le cinéma, c'est une chose qu'on ne sait pas en général, mais le premier film, je ne crois pas me tromper, le premier film long-métrage qui a été réalisé en 1908 à Turin était L'Enfer. Et c'était un film tout entier fait d'effets spéciaux, ce qu'on appellerait aujourd'hui des effets spéciaux. C'est quelque chose de très très fort. Et c'en est au point aussi que, par exemple, on a demandé à Fellini plusieurs fois de faire un film sur la Divine Comédie, et en particulier sur l'enfer, et que lui a toujours refusé en disant que ça n'était pas la peine parce que Dante l'avait déjà fait, ce film. Il est tellement visuel lui-même que, disait Fellini, on ne pourrait que rajouter quelques effets spéciaux là où on est pris directement par la force visuelle même dans le poème. À mi-chemin du périple de la vie, je me trouvais dans une sombre forêt, ayant perdu le droit chemin. Dante, ton destin est scellé. La damnation éternelle pour tes péchés. Non, ce n'est pas possible. Le prêtre a été formel. Viens, affronte l'éternité. Bientôt tu seras rejoint par ceux dont tu as détruit la vie. Ceux dont tu as damné les âmes. Je refuse de laisser ceux qui me sont chers payer pour mes péchés. Aide-moi! France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et si vous trouvez que ce qu'on vient d'entendre ressemble à un jeu vidéo, c'est normal, c'est le cas. C'est un extrait du jeu vidéo Dance Inferno, sorti en 2010, développé par Visceral Games. Vous avez entendu la traductrice de la Divine Comédie, Jacqueline Risset, juste avant, évoquer l'aspect extrêmement visuel de la Divine Comédie de Dante, que l'un des premiers films qui avait jamais été tourné en 1905 était justement une adaptation de L'Enfer, que Fellini avait voulu faire un film et que finalement il avait dit mais le film a déjà été fait par Dante lui-même, tellement ce passage est visuel. Et finalement, c'est dans l'univers du jeu vidéo qu'on retrouve ces mises en scène qui vont puiser dans tout ce que le texte a de visuel pour proposer la même expérience finalement au lecteur qu'à celui qui va vouloir jouer devant son écran. Vous connaissez le jeu vidéo Didier Ottaviani? Oui, je le connais. Ouais. Et alors? J'y ai joué d'ailleurs. Et donc est-ce que ça fait la même expérience? Alors, c'est un Dante un peu spécial, parce qu'il a une faux, il se bat beaucoup, c'est vraiment un guerrier, puisqu'évidemment c'est un jeu vidéo. Donc c'est Dante lui-même qui doit qui combat, oui, ouais. qui affronte des différents démons, etc., et qui affronte effectivement tous les personnages, c'est-à-dire qu'il va affronter Minos, il va passer par Charon, donc on va retrouver finalement tous les épisodes, il va être dans la glace à la fin, il doit marcher, et la glace s'effondre, donc il faut pas tomber si on veut finir le niveau. Donc on retrouve effectivement des éléments. Alors évidemment, c'est pas une lecture de la Divine Comédie dans la mesure où il s'agit de surtout manifester le côté combatif, puisque évidemment c'est mais qui est présent. Jeu vidéo. Mais c'est vrai que toute la trame narrative est véritablement celle de la Divine Comédie, notamment... ce qui était assez intéressant, c'est qu'on retrouve une idée finalement assez profonde, c'est que Dante doit juger dans le jeu les damnés. C'est-à-dire qu'il y a des damnés et le joueur a la possibilité soit de les absoudre, soit de les condamner. Et ça donne évidemment des compétences plus positives ou plus négatives. On peut faire un Dante plus gentil ou plus méchant. Et ça restitue en fait le fait que Dante en enfer juge beaucoup. Il juge les damnés, on le voit dans la glace par exemple, il va être très violent contre certains et il se donne le rôle de juge en réalité. Donc le jeu récupère un petit peu cette idée, ce qui est assez intéressant, parce que c'est une idée assez profonde dans l'économie du texte. Ça veut dire que celui qui est en train de jouer se voit investi d'une responsabilité morale au fond, c'est ça? Oui, parce qu'il faut, alors on raconte très brièvement évidemment dans le jeu l'histoire de la personne qui est en face, il y en a quelques-unes, c'est pas tous, et on doit sélectionner, savoir est-ce que, eh bien, on l'absout ou on la condamne plus fortement. Mais alors, comment vous expliquez que ce texte-là, écrit il y a quand même plusieurs siècles et dans une époque très différente, ait une telle postérité aujourd'hui, jusqu'à influencer des jeux vidéo? Alors, on a parlé de Dance Inferno, il y a aussi il y a une expérience de réalité virtuelle à faire avec, qui s'appelle aussi d'ailleurs Near Dance Experience, qui est un jeu de mots avec la Near Death Experience. Il y a vraiment ce caractère immersif particulièrement propice, visiblement, à l'adaptation vidéaste de ce texte. Oui, c'était Laura Manelli, entre autres, qui avait travailler sur cette réalité virtuelle, parce qu'il y a évidemment une dimension visuelle fondamentale chez Dante, qui va, comme il s'agit d'un voyage imaginaire, particulièrement s'adapter à cette réalité semi-imaginaire qu'est le monde virtuel. C'est-à-dire que, effectivement, la logique du monde virtuel et de l'univers virtuel est finalement très proche de la logique de ce personnage qui va partir dans un monde virtuel, puisque l'enfer est souterrain, le purgatoire est au-delà des colonnes d'Hercule, le paradis est dans un lieu sans lieu. Donc on est dans une virtualité, dans une expérience foncièrement virtuelle, donc ça peut effectivement avoir une relecture contemporaine assez adaptée aux moyens que l'on a aujourd'hui pour passer dans des réalités parallèles. Et vous en avez vu des adaptations qui vous paraissent particulièrement convaincantes, jeux vidéo ou artistiques ou... Alors, il y a beaucoup, beaucoup de représentations. Moi, j'aime beaucoup l'œuvre de Philippe Fretz, qui est un artiste suisse qui a fait une Divine Chromatie, qui est un immense triptyque, qui est une peinture qui est une réinterprétation complète de toute la Divine Comédie, avec toute une série de personnages modernisés. Il y a un Dante golfeur, par exemple. Ouais. Voilà, donc c'est une appropriation particulièrement intéressante. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'artiste se positionne vis-à-vis de Dante pour en faire quelque chose qui est foncièrement personnel. Donc Dante peut être récupéré pour produire une nouveauté très contemporaine. Parce qu'il est un support qui parle à toutes les époques, dans la mesure où c'est la destinée humaine qui est en jeu dans la Divine Comédie. Et donc, tout le monde est concerné par les enjeux qui sont développés par Dante. Mais si on regarde la fresque de près, on vous voit? Oui, alors, en tout petit, effectivement. Didier Ottaviani figure sur la fresque. Ça fait l'honneur de me mettre au paradis. En plus d'être au paradis. J'espère que je mérite, je ne sais pas. Eh ben, on demandera aux auditeurs qui seront juges aujourd'hui, hein, puisque celui qui joue au jeu vidéo, il a une responsabilité morale dans le jeu, eh bien, l'auditeur fera de même aujourd'hui. Avec vous, donc, vous serez une des personnes que Dante croise sur son chemin. Alors, si on continue le voyage 32, parce qu'on a entendu le premier texte qui nous a conduit, vers la glace. Vous avez proposé deux hypothèses de lecture hein, pour cette la présence de la glace en enfer. Vous avez dit c'est peut-être l'influence de l'islam. Vous avez dit c'est peut-être l'absence de l'amour, des sentiments. Je crois qu'il y a aussi une hypothèse qui voit une sorte d'œil, c'est ça ? La glace serait comme un œil. Oui, c'est une hypothèse que j'avais faite autrefois, qui est une possibilité aussi. C'est-à-dire que si on regarde la structure topographique de l'enfer, c'est un cône qui peut ressembler à une section de l'œil. Ouais. Et il se trouve que chez Alhazen, dans les structures de la biologie oculaire de l'époque, ce qui est au fond de l'œil qui retient les images, c'est l'humor glacialis. Qui est l'endroit où viennent s'arrêter les images dans la perception. Et donc on pourrait imaginer que l'enfer est effectivement un œil mort, qui serait le pendant de l'œil vivant, évidemment, du divin. Et cet œil mort qui ne fonctionne pas pourrait avoir eh bien, cette glace qui est l'humor glacialis des traités d'optique de l'époque. Alors on va suivre le chemin tracé par cet œil, on va y rencontrer d'autres traîtres, parce que vous nous direz pourquoi, mais à ce lieu de l'enfer se trouvent surtout les traîtres pour Dante. Pendant ce temps, nous approchions du centre vers lequel tend tout ce qui pèse. Et moi, je tremblais dans le froid éternel. Si ce fut vouloir, ou destin, ou hasard, je ne sais. Mais en passant entre les têtes, mon pied en heurta une, en plein visage. Elle cria en pleurant, « Pourquoi me foules-tu ? Si tu ne viens pas accroître la vengeance de mon Taperti, que me tortures-tu ? » Et moi ? « Maître, attends-moi ici. Je veux sortir d'un doute à propos de cette ombre. Puis tu me presseras autant que tu voudras. » Mon guide s'arrêta, et je dis à celui qui m'insultait encore de toutes ses forces, « Qui donc es-tu, toi, qui rabroues ainsi autrui ?»« Et toi, qui es-tu, toi qui t'en vas par l'Athénor ?» dit-il, frappant si fort les joues d'autrui que ce serait trop fort pour un vivant. « Je suis vivant, lui dis-je, et il pourra te plaire, si tu désires avoir la renommée, que j'écrive ton nom parmi mes autres notes. » Il répondit, « C'est du contraire que j'ai envie. Va-t'en d'ici, ne me fatigue plus. Tu sais bien mal séduire dans ce bas-fond. » Alors je le pris par la peau du cou et je dis, « Il faudra bien que tu te nommes ou que pas un poil ne reste là-dessus. » Où l'on retrouve la métaphore capillaire, dit Ottaviani, finalement. Oui. C'est le poil. Alors pourquoi tant de violence, au fond ? Parce que c'est un exemple des textes extrêmement violents que l'on trouve dans Oui, parce que là, si on regarde bien ce qui se passe, en fait, il lui donne un coup de pied dans la figure. En passant, il fait semblant de trébucher, etc. Mais, et puis après, il va s'en prendre véritablement physiquement au personnage. Alors, parce que c'est un traître. Il a trahi les guelfes. Alors dites-nous, les guelfes. C'est Bocca degli Abati. Alors les guelfes, c'est... Donc on est dans l'Italie du début du XIVe siècle. Voilà, donc il y a une grande scission effectivement entre deux parties qui sont deux factions importantes qui sont les guelfes et les gibelins. Donc les gibelins qui sont plutôt pro-impériaux et les guelfes qui sont plutôt du côté pontifical. Mais il se trouve que Dante, parce qu'il a posé une Donati, donc c'est la famille Donati qui va être, c'est les Cerchi qui sont du côté des Gibelins, plutôt pro-impériaux en tout cas, et les Donati sont des Guelfes. Donc Dante se retrouve dans le parti Guelf. Mais il y a une scission à Florence entre les Blancs et les Noirs. Donc les Guelfes Blancs sont plutôt proches de l'Empire, Dante sera un Guelfe Blanc, tandis que les Guelfes Noirs sont proches du Pape. Et on sait que Dante et le Pape, ce n'est pas une histoire d'amour... Ah bon, non, on ne sait pas. On ne sait pas, eh bien, dites-nous. Disons-le. Dante, est très critique contre les papes, contre la papauté. Les papes sont en enfer. Ou du moins, certains papes sont en enfer, ce qui est assez particulier. Dans le cercle des simoniaques, c'est-à-dire dans ceux qui ont vendu la religion pour de l'argent. Et il y a une critique, effectivement, de l'autorité, du pouvoir pontifical qui cherche à l'époque le pouvoir spirituel, qui cherche à prendre, le pas sur le pouvoir temporel et qui veut imposer finalement le gouvernement politique qui serait un gouvernement d'origine pontificale, le pape étant censé être vecteur de la plenitudo potestatis, la pleine puissance, parce qu'il est directement issu de Dieu. Et donc du coup, eh bien, Dante, lui, est plutôt un impérialiste, c'est-à-dire qu'il est plutôt proche de des idées que c'est du, disons, impérial, plutôt laïque, avec l'idée que c'est le Saint-Empire romain germanique, finalement, qui serait le destin de l'Italie. Et donc, du coup, il va plutôt être du côté des guelfes blancs, qui vont se rapprocher des gibelins. Donc, oui, c'est ça, il n'y a plus trop de différence. Voilà, il n'y a plus trop de différence, et donc une partie va basculer chez les gibelins. Enfin, Dante est très particulier, parce qu'il se dispute un peu avec tout le monde. Et comme lui dira son ancêtre Cacciaguida, qu'il rencontre au paradis, tu as fait un parti à toi tout seul. C'est-à-dire que finalement, Dante... Parce qu'il est très actif en politique, si on ne l'a pas assez dit cette semaine. Oui, oui, c'est... Dante, c'est un homme politique. Et la politique, pour Dante, est un élément absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il a été ambassadeur, il est... très investi dans la recherche de l'unité de l'Italie, c'est-à-dire que toute sa quête de la langue aussi, c'est quelque chose qui transparaît bien sûr dans la Monarchia, qui est son grand traité politique, mais dans tous les autres traités, on trouve la même chose, même dans la Divine Comédie, c'est-à-dire le fait que pourquoi est-ce qu'il faut une langue, un vulgaire illustre, c'est parce qu'il faut unifier l'Italie. Il faut unifier le Regnum Italicum qui est divisé, c'est-à-dire que pour lui, la scission des Italiens, qui de ville en ville, c'est des cités-états autonomes, qu'est devenue l'Italie. Il faut restaurer cette Italie qui a complètement disparu, et une langue commune est finalement un des vecteurs de cette unité. Mais il y a, dans la quête de la langue, outre les autres problématiques, qui est une quête de soi, qui est une quête de la poésie, bon, il y a plein de... Mais il y a aussi l'idée qu'il y a une unité politique qui doit être trouvée dans l'unité de la langue. Et sa carrière politique se termine en exil, c'est ça ? Oui, parce qu'il est exilé finalement assez tôt, et puis il va avoir une activité politique, il va continuer à intervenir dans... disons des ambassades, il meurt en rentrant d'une ambassade d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui va rester toujours assez, disons, activiste au niveau politique. C'est pour ça finalement qu'il ne rentre pas aussi à Florence, parce qu'il est condamné au bûcher, mais il ne fait rien pour arranger les choses. Et donc c'est pour cela que, selon lui, le pire des crimes qu'un homme peut commettre et qui aura pour conséquence de l'envoyer au plus profond de l'enfer, c'est la traîtrise. C'est la traîtrise politique dont il s'agit ? Alors c'est toutes les formes de traîtrise, puisqu'il y a les traîtres à leur famille, il y a les traîtres à leurs hôtes. Alors il y en a qui sont un peu le double... qui sont un peu les deux, je veux dire, c'est-à-dire c'est un des damnés, c'est je sais plus comment il s'appelle, qui va c'est Alberigo de Manfredi, ouais, qui a invité son neveu à dîner et puis qui l'a assassiné. Donc il est à la fois traître à la famille et aux autres. Donc cette la traîtrise sous toutes ses formes est véritablement le péché majeur. Mmh. Et d'ailleurs c'est on le verra peut-être tout à l'heure dans, je sais pas si on le voit, la bouche de Lucifer, ben, on y les arrive. Trois bouches de Lucifer, ouais. Mâche trois traîtres. Allez-y, oui, oui. Dites-moi. Alors, il y a le traître classique, c'est Judas. Donc là, c'est pas très étonnant. Par contre, tout le monde est d'accord sur ça. Point. Voilà. Donc là, c'est. Mais les autres sont classiques aussi, mais c'est plus étonnant. C'est-à-dire que c'est Brutus et Cassius, c'est-à-dire ceux qui ont trahi César. Donc, dans les trois bouches de Lucifer, il y a Judas, donc qui est pour un chrétien évidemment le traître par excellence, et les deux autres ont trahi l'Empire. C'est-à-dire que 66% des pires punitions sont des punitions pour des gens qui ont trahi l'Empire, qui ont trahi César. Donc c'est un peu étonnant de voir cette importance de la trahison impériale, qui est finalement quelque chose qui est le plus condamné en enfer, à égalité avec la trahison de Judas, qui est quand même l'essence même du traître. D'où la volonté de manifester l'importance pour lui de cette fonction politique. Et les traîtres à la patrie sont évidemment fortement condamnés. Dante a eu l'enseignement de gens comme Rémy de Florence, par exemple, qui a développé une idée très très forte de la notion de patrie. Il est D'ailleurs, Rémy de Florence, il est très très extrémiste, c'est-à-dire que il théorise le pro patria mortui, le mourir pour la patrie, de manière extrêmement forte, puisque pour lui, eh bien, on doit, pour sauver la patrie, il faut même accepter de faire des actions qui peuvent nous amener à la damnation éternelle. Donc on doit accepter de se perdre totalement individuellement et aller en enfer, si c'est pour sauver la communauté et notre patrie. Donc la patrie est plus importante que Dieu ? Que l'individu. Et que le destin moral de l'individu. Le châtiment divin, finalement, quand même. Mais que le châtiment divin, ouais. Oui. La patrie, c'est le summum pour Rémy de Florence et Dante. Et pour Dante aussi ? Alors, Dante l'exprime pas à ce niveau-là, mais pour Dante, disons que la vie politique, c'est la vie humaine est politique. Dante reste dans l'héritage, là aussi, d'Aristote, mais aussi de Brunetto Latini, qui dit que l'homme, et il dit que l'homme est un animal compagné, volé, un animal compagnon. Mmh. C'est-à-dire que c'est un animal politique. Et donc le politique fait partie de l'essence dans la définition classique de l'homme. Et donc la politique est véritablement ce qui nous rend humains. Et sans politique, il n'y a pas d'humanité. C'est pour ça que la politique est aussi importante chez Dante et qu'il y a des, disons, des lectures politiques d'à peu près, possibles d'à peu près toutes ses œuvres. Alors il est temps qu'on fasse la rencontre avec Lucifer. Lucifer, Satan, comment l'appelle-t-il ? Alors il l'appelle Dité. Dité. Qui est un vieux nom païen pour désigner Lucifer, Satan, le grand méchant. Bien, alors allons à la rencontre du grand méchant. Avant d'entendre ce texte, qui est vraiment un texte très saisissant, peut-être juste, ne serait-ce que pour le plaisir de la sonorité, il faut rappeler le parcours pour descendre. Il va traverser la Caïne, l'Anténor, la Ptolémée, la Giudecca, avant de rencontrer Lucifer, c'est ça ? Oui. Et à quoi correspondent chacune de ces étapes ? La Caïne, c'est la mer de glace ? Voilà, c'est les traîtres aux parents. Ouais. Ensuite, l'Anténor, et c'est les traîtres à leur partie, c'est à leur patrie, c'est toute de la glace, ouais. De toute manière. Ensuite, on a l'Anténor, c'est encore, c'est toujours l'Anténor au champ 20-33, donc les traîtres à la patrie. Mmh. Et la Ptolémée, c'est les traîtres à leurs hôtes. Mmh. Donc, on a véritablement ici tous les niveaux de cette traîtrise. Et la Giudecca, les traîtres envers leurs bienfaiteurs, envers l'autorité humaine ou ouais. Divine. Et donc on est proche du fin fond de l'enfer. Là on est au fond, puisque c'est au milieu de la Giudecca qu'on va avoir fiché le corps de Lucifer. Là, l'empereur du règne de douleur sortait à mi-poitrine de la glace. Et ma taille est plus proche de celle d'un géant que les géants de celle de ses bras. Tu vois donc par là quel doit être le tout qui correspondait à telle partie. S'il fut aussi beau qu'il est laid à présent, et s'il dressa les yeux contre son créateur, il faut bien que tout mal vienne de lui. Oh, quelle stupeur ce fut pour moi quand je vis que sa tête avait trois faces. L'une devant, qui était vermeille, et les deux autres, qui s'ajoutaient à la première, se rejoignant à l'endroit de la crête, sur le milieu de chaque épaule. La droite me semblait entre blanc et jaune. La gauche était pareille, à la voir, à ceux qui viennent du pays d'où le Nil descend. Sous chacune partaient deux grandes ailes, à la mesure d'un tel oiseau. Je n'ai jamais vu en mer de pareilles voiles. Elles n'avaient pas de plumes. Et ressemblaient à celles des chauves-souris. Et il les agitait, de sorte que trois vents naissaient de lui qui faisaient geler tout le Cocyte. Il pleurait de ses six yeux, et sur trois mentons gouttaient les pleurs et la bave sanglante. Dans chaque bouche, il broyait de ses dents un pêcheur comme un moulin à chanvre, si bien qu'en même temps, il en suppliciait trois. Sold a face. I was round when damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah. C'est tout le paradoxe de cette rencontre avec le diable, dit Ottaviani, c'est qu'il le voit, il est effrayant, et en même temps, le lecteur n'a pas vraiment peur. Et en même temps, ce narrateur va l'escalader, le toucher, il y a quelque chose de presque, alors sympathique, le terme est fort, mais d'ambivalent. C'est pas le mal absolu qu'on voit quand on voit ce diable. Alors déjà parce qu'il n'y a pas de mal absolu, ouais. Puisque si on pense l'idée que Dieu est bon, tout ce qu'il a créé est forcément bon. Et Lucifer était le porteur de lumière, c'était le plus beau des anges. Donc c'est Dieu qui a créé Lucifer. Bien sûr. Sinon, on est manichéen, c'est-à-dire qu'il y a deux principes, et ça le manichéisme est toujours évidemment ce qui face au monothéisme est l'hérésie majeure. Donc le mal n'existe pas, en quelque sorte. Ce que l'on appelle mal, c'est le plus petit degré du bien. C'est un peu la thématique de Dark Vador. Ouais. Il y a du bon en lui. Tout à fait. Aussi. C'est-à-dire que ce Lucifer, alors il n'y a pas de bon en lui, là, ce n'est pas du tout la thématique que Dante cherche à développer, mais c'est vrai qu'il est étonnamment peu effrayant. C'est-à-dire qu'on est plus effrayé par le descriptif de tout le reste de l'enfer que Exactement. Par ce moment qui devrait être culminant. Peut-être parce qu'il est inactif, et toutes les métaphores, d'ailleurs, on voit un moulin à chanvre, par exemple, dans l'extrait qui était lu, ouais. On dirait une mécanique, c'est une, il n'y a pas de côté vivant, en fait, c'est peut-être ça qui n'effraie pas. C'est-à-dire que ce personnage n'apparaît même pas être une forme d'animalité ou une forme de vie, c'est une sorte de mécanique. C'est ça peut-être qui empêche l'horreur absolue de cet être. Alors évidemment, il va avoir des caractéristiques, donc il a une tête avec trois faces. Donc c'est typiquement l'anti-trinité. Ah c'est ça, c'est pas trois têtes, c'est une tête avec trois faces. C'est une tête avec trois faces, oui. Ouais. Donc c'est comme trois têtes, mais en fait il y a qu'une tête. Ça reprend finalement l'analyse de la Trinité qu'on avait chez saint Augustin. C'est une substance avec trois personnes. Donc ici on a bien une tête avec trois faces, puisque persona en latin désigne le masque de théâtre à l'origine. Donc on a bien trois faces, donc c'est bien la parodie de la Sainte Trinité que représente ce dité Lucifer. Mais c'est vrai que on n'est pas effrayé. Et d'ailleurs, il vaut mieux ne pas être effrayé parce qu'il va falloir lui grimper dessus. Oui, alors expliquez-nous pourquoi. Alors parce que il est au centre de l'univers, donc il est au centre voilà. De la Terre. Donc on est parti quoi, du milieu de la Terre ? On est parti de la surface. On est descendu Terre, ouais. Donc dans un cône et on arrivait au centre, c'est-à-dire au point où les rayons vont se croiser. Ce qui fait que lorsqu'on va grimper sur Lucifer, en fait on va traverser Lucifer et tout d'un coup on va se mettre à redescendre puisque on va passer de l'autre côté. Et oui, parce que de l'autre côté, forcément, on va être dans la zone où s'inversent les rayons puisque on est au centre. Oui, mais alors ça veut dire que le paradis est en dessous ? Non, c'est le purgatoire. Et quand, alors d'accord, donc on descend l'enfer, on descend vers le purgatoire et comment on passe du purgatoire au paradis ? Ah alors ça, les passages, ce passage-là, il est Dante s'endort, on ne sait pas. D'accord, donc c'est pas géographique. Voilà, c'est pas très géographique dans la mesure où l'arrivée sur la plage du purgatoire aussi, il faudrait remonter par de la terre si c'était très géographique. Mais ça restitue l'idée que le purgatoire est à l'opposé de l'enfer. Ouais. Parce que, alors, c'est une thématique géographique que développe Dante, c'est le fait que lorsque Lucifer a chuté, il est tombé sur Terre, il s'est planté très profondément, donc ça a fait un cône, il est fiché au centre du cône, donc au centre de la Terre, et, eh bien, D'une part, on peut imaginer que la montagne du purgatoire est l'équivalent de l'autre côté, puisque c'est une sorte de spirale qui monte. Et Lucifer, il est fiché dans un lieu où il n'y a plus que de l'eau, c'est-à-dire l'hémisphère austral, parce que les terres émergées qui étaient là ont pris peur et se sont enfuies dans l'hémisphère boréal, ce qui fait que toutes les terres sont au nord. D'accord. De la Terre, parce qu'elles ont eu peur de Lucifer qui s'est planté par là. Donc on peut supposer, géographiquement, c'est un peu difficile à se représenter l'ensemble, mais voilà, le fait qu'il soit au centre est véritablement important, parce qu'il est vraiment au centre du monde, et d'ailleurs il est dit au début que c'est l'empereur du monde. Ah, et quand on sait l'importance de l'empereur pour Dante... Oui, c'est-à-dire que c'est l'empereur du règne de douleur. Il nous dit donc évidemment c'est l'empereur de l'enfer. Mais n'oublions pas que Satan est le prince de ce monde. C'est dans les trois tentations du Christ, Satan propose les biens de ce monde à Jésus, qui refuse évidemment, c'est le principe des trois tentations. Mais pourquoi est-ce que Satan peut proposer des choses? C'est que c'est lui qui est le prince de ce monde. Et donc là, il y a... il y a quelque chose qui est à la fois l'empereur, disons, qu'il faut vaincre, et celui qui gouverne véritablement la Terre. Donc en fait, c'est Dante lui-même qui a presque de la sympathie pour le diable, on a l'impression. Il résout comme un fantasme, parce qu'il le présente ainsi, tout puissant, mais il va le dépasser, le chevaucher. Voilà, il va le chevaucher, il va presque le domestiquer. C'est ça qui est finalement le plus étonnant ici, puisque il lui grimpe dessus et l'autre ne réagit pas. Donc on a véritablement... pour une civilisation de cavaliers, c'est un peu la monture avec laquelle ouais. Il passe d'un royaume à l'autre. Et donc, finalement, c'est une domination du diable qui explique qu'il ne soit plus si effrayant, puisqu'il a été, d'une certaine manière, entre guillemets, parce que c'est peut-être exagéré comme interprétation, mais il a été domestiqué. Mais ça a fait de Dante un personnage, enfin en tout cas du narrateur, tout puissant. Puisqu'il est plus mais c'est le héros, c'est le héros suprême. C'est le héros suprême, évidemment, avec cette force-là. Même si Virgile l'aide, même s'il n'est pas tout seul, c'est quand même celui qui a effectué un voyage incroyable. Et c'est un peu l'orgueil de Dante d'être le premier et de revendiquer justement... l'initiation de toute une autre humanité à venir qui doit refaire le chemin derrière lui. C'est sa fameuse métaphore du legno che cantando varca, je suis le bateau qui vogue en chantant. Il dit j'ouvre un sillage, il faut que vous suiviez maintenant mon sillage. Donc il est le premier, il a fait, c'est véritablement le héros. Il y a une dimension de la noblesse ultime qu'il développe dans le convivio, c'est-à-dire ce héros suprême qui est à la fois héros de la langue, héros de la domination du diable. Le convivio, c'est un autre texte. C'est un autre texte, ouais. Oui, c'est son texte plus précisément philosophique. Alors qu'il le banquet, on l'a traduit en français. Oui, ouais. Qui est une œuvre inachevée, mais qui est véritablement le cœur de la première ébauche philosophique de Dante, puisque c'est vraiment un traité de philosophie en langue vulgaire, pour que tous puissent le comprendre. Là aussi, il y a une importance politique. Ouais. C'est-à-dire qu'on écrit à l'époque en latin, mais le latin, à part les clercs et quelques lettrés, personne ne lit le latin. Donc les quelques qui savent lire et qui sont laïcs liront de l'italien. Et donc, il veut écrire en italien pour donner aux hommes la connaissance. Et pour que la connaissance, il y a une volonté de valoriser une pensée laïque qui se développe. Et qui est pour lui finalement l'espoir de la future vie politique indépendante du clergé, puisque Dante est dans la Monarchia par exemple, qui est son traité politique, il propose une séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que le pape ne s'occupe que des conseils moraux, mais pas du tout de politique temporelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas à donner d'ordre au gouvernant qui est l'empereur. Alors on arrive à la fin de l'enfer, et comme chaque passage d'un champ à un autre se faisait avec une sorte de, comme dans les séries contemporaines, de suspense, tiens, va-t-il arriver à passer à l'autre cercle, etc. À la fin de l'enfer, on se dit, mais comment va-t-il passer au purgatoire? Et justement, c'est dit, ça se termine là-dessus, il y a comme une espèce d'ascension ultime. Il écrit, mon guide et moi, par ce chemin caché, nous entrâmes pour revenir au monde clair. Et sans nous soucier de prendre aucun repos, nous montâmes, lui premier, moi second, si bien qu'enfin je vis les choses belles que le ciel porte par un pertuis rond et par là nous sortîmes à revoir les étoiles. C'est comme une ouverture ici qui invite le lecteur, allez, on va continuer à le suivre jusqu'au purgatoire. Oui, et puis ça y est, on retrouve la lumière puisque on arrive vers les étoiles et donc on ressort à l'air libre. Donc il y a toujours ce suivi. Donc là, il y a un petit chemin, c'est extrêmement court. Alors que si on respecte la cohérence géographique, ils ont encore beaucoup de chemin pour sortir du centre de la Terre. Donc c'est une sorte d'ellipse de tout le parcours, mais parce que une fois qu'on a chevauché Lucifer, l'essentiel est fait. Et alors on se dit que vu tout ce qu'on vient de vivre en enfer, le reste ne peut être que décevant. Quoi. Est-ce que le purgatoire et le paradis sont à la hauteur de l'enfer, Didier Ottaviani ? Ils sont exceptionnels. Hein. Ils sont exceptionnels. Alors il est vrai que c'est peut-être moins visuel. Alors, le purgatoire, encore, est très visuel. Le paradis va être beaucoup plus, disons en italien, surtout les sonorités qui vont être importantes. Mais c'est vrai que pour un lecteur lambda, on pourrait dire, les gens s'arrêtent souvent à l'enfer parce que l'enfer suscite beaucoup d'images merveilleuses et le purgatoire est décevant, je dirais pas décevant, parce que c'est magnifique le purgatoire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'images, il y a beaucoup moins le côté romanesque, il y a beaucoup moins d'aventures, et donc ça a beaucoup moins inspiré la postérité, parce que souvent les gens trouvent un peu le purgatoire et le paradis ennuyeux. Le paradis est plus éthéré, mais le purgatoire, c'est pas Dante qui l'invente à ce moment-là. Non, ça commence à peu près depuis le XIIe siècle, l'idée qu'il fallait quelque chose d'intermédiaire, parce qu'on savait pas très bien où allaient les âmes qui n'allaient pas au paradis directement, donc il y avait une espèce de réfrigérium qui était une sorte de congélateur, mais bon, c'était pas satisfaisant, donc on a élaboré toute la création du purgatoire, mais la manière dont on se le représente par la suite est véritablement la manière dont Dante va le représenter, c'est-à-dire qu'il va donner un peu l'iconographie de cette montagne du purgatoire qui va devenir assez classique. Donc peut-être pourrons-nous consacrer une série au purgatoire et au paradis en entier. Et vous verrez à quel point c'est merveilleux aussi, mais pour des raisons différentes. Bon, bah alors on reviendra en parler. Avec plaisir. Et bah merci beaucoup Didier Ottaviani. Je renvoie à vos ouvrages Dante, l'esprit pèlerin aux éditions Point, la philosophie de la lumière chez Dante aux éditions Classiques. Et puis, bien sûr, chers auditeurs, vous pouvez lire dans l'édition de Carlo Ossola, qui était mon invité hier, hein, l'édition de la Pléiade, la divine comédie de Dante, en espérant que ces émissions vous auront donné envie de vous plonger dans l'enfer, pourquoi pas jusqu'au au purgatoire. Et au paradis, c'est quand même le but du chemin. Yo, VIP, let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. MCs like a pound of bacon, burning them, being quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Ice Ice Baby, et oui, vous aurez appris aujourd'hui pourquoi la glace peut être encore plus terrible que les flammes en enfer. C'est Vanilla Ice sur France Culture, les chemins de la philosophie après l'enfer de la divine comédie de Dante. Place à la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi opposerait-on liberté et amour ? Il y a une chanson qui comporte un élément paradoxal qui nous invite à faire un peu de philosophie. C'est une chanson qui est philosophique dans son titre même, puisqu'elle s'intitule « Ma liberté ». C'est une chanson où, par exemple, Serge Reggiani, quand il la chante, explique pourquoi il était attaché à sa liberté, qu'il la gardait jalousement contre toute domination politique, qu'il est allé par les chemins, qu'il a tout quitté pour préserver sa liberté, mais qu'un jour, il a sacrifié sa liberté. Et tout le paradoxe, toute la profondeur philosophique de cette chanson ordinaire, de cette ritournelle que l'on fredonne, que l'on a tous fredonné, du moins je le pense et je l'espère, c'est sa profondeur philosophique, c'est justement de dire qu'il a renoncé librement à la liberté pour entrer dans une prison volontaire, ce que certains philosophes ont appelé, pour la critiquer, la servitude volontaire, dans la servitude volontaire de l'amour. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre pour une belle geôlière. Une belle geôlière d'amour à laquelle donc il a sacrifié sa liberté. C'est un modèle, d'une certaine manière, de paradoxe de la relation entre la liberté et l'amour qui traverse aujourd'hui toutes nos sociétés. La revendication de cette chanson, c'est en effet le consentement amoureux, le consentement à vivre avec l'autre, à partager la liberté, à peut-être concilier, discuter, entre être également libre et peut-être même à se soumettre à la volonté d'autrui par l'amour, l'amour qui cherche le bien d'autrui, peut-être même avant le nôtre, mais cela par liberté, par une forme de consentement qui pourrait peut-être être repris si l'on n'aimait plus, et donc qui pourrait conduire certains à penser que malgré tout, dans cette chanson, finalement, on voit la tension entre l'amour et la liberté. L'amour est-il un contrat? Puis-je donner ma liberté et la reprendre? Puis-je soumettre les relations amoureuses à quelque chose comme un consentement? Les relations de pouvoir au sein de l'amour nous amènent-elles à le contredire? Certains le pensent au nom de cette demande de consentement, par exemple pour les relations sexuelles, qui permet aussi de définir par opposition une violence sexuelle, sexiste, même dans des relations amoureuses, même dans des relations instituées, même dans des relations conjugales. En effet, l'amour est-il envahi par cette revendication de liberté? Et derrière la beauté de cette prison volontaire, amoureuse, qui est un grand thème romantique et littéraire, n'y a-t-il pas aussi cette contamination de l'amour par la liberté? Eh bien, on peut dire qu'au fond, c'est le contraire. C'est que, d'une certaine manière, les relations humaines mêlent toujours une dimension de pouvoir, et donc de liberté, et donc aussi de consentement, mais qui ne fait qu'ajouter aussi à la profondeur de leur exercice commun quand elles sont mutuellement consenties. Les libertés peuvent consentir mutuellement à se partager sous l'angle d'un sentiment, d'une recherche d'un bien commun et pas seulement pour éviter à la domination de l'une par l'autre. Il y a quelque chose de positif dans le partage des libertés, dans le lien entre la liberté et l'amour, comme si la liberté en effet n'était jamais seulement une coquille vide, mais devait s'orienter vers un but, vers un bien non seulement individuel mais commun, comme si l'amour, par exemple, mais aussi la justice et les différentes valeurs positives pouvaient seules donner sens à la liberté. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique, le pourquoi du comment, est à réécouter en ligne sur le site de France Culture et à podcaster, évidemment, dans la rubrique le pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle, en compagnie de Carla Michel, Jules Barbier, Géraldine Wosna-Savoie, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi, à la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain, c'est le retour des cours particuliers. Chaque semaine, je recevrai une personne qui viendra parler de son métier, de sa pratique, d'un point de vue réflexif, d'un point de vue pragmatique, de tous les points de vue en fait. Et donc demain, nous parlerons de bande dessinée. Comment se fabrique une bande dessinée? Que signifie-t-elle? C'est l'autrice de bande dessinée, Catherine Meurice, qui sera à ce micro pour en parler. On a hâte. D'ici là, vous pouvez réécouter toute cette série autour de l'enfer de la Divine Comédie grâce au podcast, en téléchargeant notamment l'application Radio France. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.